émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Abdal Malik. C'est parti pour le dernier Planète Rap de la semaine avant la sortie lundi de la bande son et puis surtout le film attendu, le premier film d'Abdal Malik est là avec nous ce soir. Comment ça va Malik? Ça va très bien, en pleine forme. Bien, en pleine forme. Tu t'installes. On est là, on s'installe. Wallen par contre est déjà installé. Oui, c'est ouais. Non, on t'entend pas Wallen, pourquoi? Voilà. Oui. Voilà, ça va bien? Ça va très bien et toi? Tu nous as promis du live. Oui. Peut-être. Alors, oh là là, tu nous avais promis du live. Voilà. Ouais. Mais aux dernières nouvelles. Non, écoute, on va essayer quand même. C'est le dernier jour. Bah, en plus, venu avec. Oui. On a le Iso. Grand Iso Diop avec nous ce soir, voilà. S'il vous plaît. Il faut quand même saluer et peut-être même d'ailleurs applaudir Iso. Qui a une carrière. Iso, il est. Ouais. Dans le rap, parce que je connais que cette partie de carrière, mais qui a bossé avec tellement de gens différents. Enfin, dans le rap, il pourrait te parler de rock aussi. Attention, Iso, il a... Mais prends le micro, Iso. Il faut que tu dises deux, trois mots. T'es avec nous, là, Iso. Quand même. Non, c'est vrai que je connais plutôt ta carrière parce que moi je l'ai connu beaucoup avec le Secteur A à l'époque. Bien sûr. Iso qui a bossé avec le Secteur A pendant des années. Non, Iso c'est quand même une légende du truc. C'est une légende. Ouais, c'est une légende du truc. Ça fait partie de ces musiciens parce que c'est vrai qu'on en parle pas souvent parce que bon, ils sont crédités sur les albums, mais voilà, il y a des musiciens, ce qu'on appelle des musiciens de studio ou sur scène également. Totalement. Et comme évidemment ils sont pas au premier plan, mais ils sont super importants pour la réalisation des albums. Totalement. Tu vois, je sais pas, un équivalent pour moi, Iso. Tu sais, on a toujours des équivalents aux États-Unis. Mmh. Iso c'est une sorte de Questlove en fait. Tu vois Questlove de The Roots. C'est-à-dire il est connecté à. C'est lui qui fait en sorte que les lives des différents artistes rap, que ça sonne autant que si tu mettais juste ton instru, etc. Tu sais, parce que les rappeurs sont frileux et il sait ça. Ils ont toujours peur du live. Et c'est vrai, quelqu'un comme Iso est rassurant parce qu'il arrive à faire en sorte finalement que en live on garde le côté, comment dire, la même énergie. Qu'un instru classique, mais de manière organique, avec la richesse qu'amènent les instruments. Donc moi, ça fait des années que je travaille avec Iso, et c'est vrai qu'Iso, c'est une légende. On travaille avec le Secteur A, avec tout le monde. Mais avec tout le monde dans le Avec, beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde, ouais. Je t'ai mis bien ou pas là, Iso? T'as vu? Cette humilité. Ouais, puis ouais. Qui le caractérise. Humainement, ouais. Bon, bah, bienvenue, Iso. Toujours un plaisir de te voir. Bah oui. Bah, moi aussi. On va connecter la basse dans quelques minutes. Ouais. À la guitare. Ce sera. C'est moi, je vais jouer à la guitare un peu. Toi aussi? Ouais. Ok, bah, il y aura un clash de guitare ce soir. Clash de guitare. Les cheveux vont pousser. Entre 20 et 21. Bon, tout va bien? Ouais, mais. Allez, on n'est plus qu'à quelques jours de la sortie, ça y est. On est à quelques jours. La première s'est super bien passée hier. Ouais, ouais. Il y avait une avant-première. L'avant-première parisienne hier, c'était exceptionnel. Je sais, parce qu'on a été. Oui. En loose day, tu es au courant qu'on était en loose day à la sortie? J'ai vu. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là? Eh bien, nous avons pris les réactions des gens. Ah ouais, carrément. Qui ont vu le film. Carrément. Voilà. On vous le diffusera d'ici quelques minutes. Oh, ben, bravo, super. Bravo. Petit aperçu, justement, à chaud de cette avant-première qui avait lieu à Paris, ici, pas très loin de la radio d'ailleurs. C'est ça, à l'UGC Ciné-Cité des Halles. Et après la belle soirée qu'on a passée hier avec plein d'invités, vous avez invité d'ailleurs tout le monde à l'avant-première, tout le monde était là, le cast était là. Bien sûr, tout le monde était là et c'était beau, c'était émouvant. Et puis encore une fois, c'est vrai que quand t'as des salles comme ça pleines avec c'est magnifique parce que c'est un partage d'émotions et que les gens viennent et partagent. Voilà, ce film encore une fois c'est le nôtre, mais tu vois il y a une formule que je dis assez souvent, c'est ce film c'est l'équipe de France de 98. Tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens différents dans leur diversité qui se mettent ensemble et qui font quelque chose de positif et qui montrent que c'est possible. Et surtout, c'est que artistiquement, mais pour eux, c'était footballistiquement ou sportivement, ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est un vrai truc, c'est pas juste. Et voilà, et j'espère qu'après ce film, il y aura une espèce d'unité nationale comme il y a eu. Eh bien, je propose qu'à la limite, mercredi, après avoir vu le film, tous sur les Champs-Elysées, comme après la Coupe du Monde, 98, pour défiler. C'est ça. N'hésitez pas. Faisons surtout les mêmes chiffres. En tout cas, allez voir le film Qu'Allah bénisse la France. On va se rappeler tout ce qui s'est passé durant cette semaine. C'était une semaine riche, avec beaucoup d'invités. C'est le replay de la semaine. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Ça va bien, Malik? Merveilleusement bien. Et toi? Écoute, Fred, moi aussi bien, parce qu'on s'approche de la sortie du film Qu'Allah bénisse la France, ton premier film. Mon premier long métrage. Premier long métrage, et à mon avis, pas le dernier. L'histoire de Qu'Allah bénisse la France, c'est l'histoire d'un mec de cité qui va transcender sa condition par la musique, par l'école et par sa spiritualité. On va dire que c'est 80% le réel. Après, il y a des trucs qui sont adaptés. Par exemple, mon histoire d'amour avec Wallen, j'ai fait

Et voilà, c'est des gens rares. Et le fait, moi, de partager ma vie avec une personne comme ça, c'est vraiment, c'est un honneur merci. Pour moi. Et merci, en plus, c'est important de le dire haut et fort. C'est vrai, et puis voilà, c'est aussi courageux. C'est vrai que tu avais ta carrière et que tu as mis un peu entre parenthèses ta carrière pour justement fonder une famille. Pour, exactement. C'est sûr que c'est du boulot. Mais bon, en même temps, comme je disais la dernière fois, il y a beaucoup de, femmes qui ont le courage de faire ça, de travailler et puis de s'occuper aussi. Des enfants, donc je pense que voilà, c'est pas. Mais c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que dans le milieu, dans le domaine artistique, c'est vrai que généralement tu penses, t'es focalisé sur ta carrière, etc. Ouais, c'est ce que je fais, machin, toi, voilà, il y a un moment, tu te dis, bon, bah. Non, faut faire les peut-être choses pas faire de tournée, mais je vais faire des enfants. Mais tu sais, Fred, c'est inspirant ça, parce que en réalité, c'est tout d'un coup, ça te fait réfléchir aussi sur le sens de tes priorités, des priorités dans la vie. Et c'est vrai qu'on est dans une époque quand même où les choses vont vite, etc. Et on peut passer à côté de l'essentiel. Et c'est vrai que, voilà, elle, c'est quelqu'un qui a pu prendre du recul et qui prend du recul par rapport à tout ça. Mais ça n'enlève pas qu'elle kick artistiquement. Tu vois, parce que tu peux prendre du recul sur les choses et artistiquement, bon, voilà quoi. Est-ce que tu penses d'ailleurs à un nouvel album ou pas, Wallen? Non, bon, là, on peut dire que c'est aussi un album parce que. Ah non, mais c'est un album. C'est un album de Wallen. C'est important de le dire. Ouais. C'est un album, mais en même temps. C'est un album, mais c'est quand même. Voilà, je me suis quand même investie. Non, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des questions qui reviennent. J'ai regardé un petit peu sur le net. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais. Ah bah, tu y vas alors, de temps en temps. Oui, de temps en temps, je me tiens au courant. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'instrus? Est-ce que, est-ce qu'il y aura que la majeure partie de l'album qui sera fait que d'instrus? Et c'est vrai que non, il y a des chansons. C'est des. Bah, c'est riche, des chansons. Hein. Ah non, mais voilà. Il faut savoir que c'est l'équivalent à l'équivalence de. La haine musique inspirée, où c'était finalement on a pris les thématiques du film et moi développé autour des morceaux, ouais. Parce qu'il faut comprendre que moi quand j'écrivais le scénario, quand je regardais les rushs, quand je dérushais, etc. Donc évidemment je lui en parlais à Wallen, elle regardait, elle écoutait, etc. Et c'est vrai que ça l'a inspirée et elle a eu envie de faire un titre puis deux, et moi je lui ai dit vas-y, fais un truc entièrement. C'est-à-dire que c'est pas un album au sens où elle a décidé d'aller dans une direction, ouais, avec des thématiques qui la concernent elle directement, mais c'est des thématiques, ouais, qui, ouais, sont directement tirées du film, c'est-à-dire c'est son point de vue. C'est justement ça qui était intéressant. La dernière fois, t'as souligné le fait que j'aimais écrire en fait tout court. Et c'est vrai que j'écris des nouvelles. Là, je suis en train d'écrire un roman. Ah, il paraît, oui, on en a parlé un peu cette semaine. Ouais. Et c'est ça qui était intéressant, en fait, parce que ce film-là, c'est quand même une fiction. Ouais. Et moi, c'est vraiment mon truc, en fait. Donc pour 2015, ce sera plutôt un bouquin, si je comprends bien. Plutôt un bouquin. Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle est sur ce bouquin. Ouais, c'est-à-dire que elle est 2016 alors. Comme non, ouais, mais ouais. Je pense que c'est lié aussi à son esprit perfectionniste. Mais je pense que aussi parce qu'elle prend la littérature au sérieux et elle a envie d'amener quelque chose de fort véritablement. Mais c'est ça, voilà, nous on est de cette génération là où ce qu'on on est hip hop dans le sens où pour moi le hip hop, le rap, c'est la capacité de se nourrir de tout ce qu'il y a autour de nous et d'en faire quelque chose de singulier. Et c'est pour ça que pour moi le rap c'est vraiment la musique du 21e siècle, la musique la plus pertinente, parce que non seulement elle parle d'aujourd'hui mais elle se nourrit d'aujourd'hui. C'est voilà. Et bah tiens, un film hip hop à pas louper, c'est mercredi, allez-y tous, Kala bénisse la France, près de chez vous, il va sortir le film. Et nous hier soir on était donc à cette avant-première, on a tendu un micro juste à la fin de l'avant-première, à voir les réactions, savoir ce que pensent les gens. Très bien, je sais que vous attendez avec impatience ce moment, Malik. Ah bah oui, on attend toujours les réactions. Alors les réactions, ça donnait ça hier soir à la sortie de l'avant-première. Ah, nous écoute là. Ouais, j'aime bien. C'est le meilleur, on t'aime, voilà. Skyrock, le son de la rue dans Planète Rap. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. Truc de ouf, c'était beau. T'as vu un peu? Moi j'ai vu, c'était beau. C'est beau et l'émotion c'est important et je suis vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est incroyable, standing ovation et tout. Alors le film? Il kick. Ça déchire, voilà, ça déchire. Ça fait quoi de se voir à l'écran? Ça fait plaisir. Bah, il était super bien, c'est la deuxième fois que je le vois. Vous avez aimé, vous avez pas aimé? Ah, moi, beaucoup. Et c'est des belles choses, c'est des trucs qu'on vit nous aussi, donc on se sent concerné par le film, donc ouais, ça m'a touché personnellement. Ouais. Ce film, il est bouleversant pour moi et franchement, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est une tuerie, il est très bien. Il déchire. Rien que s'il déchire. C'est ce qu'on attendait. Voilà. C'est vrai? Ouais. Vivement le deuxième. C'était exceptionnel à l'image d'Abdel Malik. Et de son épouse. Une belle image de la France d'aujourd'hui. Le titre? Ouais. Non, pas du tout. C'est normal. C'est la France. Je comprends parfaitement en fait le sens du titre du film. qui peut de prime abord peut-être choquer vu le contexte actuel. Ils ont bien joué entre le lien entre voilà, la religion, ce qui se passe actuellement dans nos cités et tout ça. Et... Ensuite, c'est vrai que j'ai pas bien compris pourquoi c'était en noir et blanc, tu vois. Je déclare, au nom de la loi, que vous êtes unis. Le son de la rue dans Planète Rap. Voilà les réactions. Alors vous avez reconnu quelques intervenants aussi, hein. Ouais. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et mais alors il y a quand même, c'est vrai, par une question. Ouais, par une question. Pourquoi le noir et blanc? Alors on en a parlé cette semaine, mais c'est vrai que c'est un truc. Quand vous verrez le film, peut-être que ça va vous choquer ou vous dire, mais oui, pourquoi il a voulu le faire en noir et blanc? Mais il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai voulu reprendre d'une certaine manière là où la haine s'est arrêtée d'une certaine manière. Bon, pour moi, la haine, c'est un film majeur qui parle de ces, comment dire, des thématiques de la cité, etc. et tout. Et moi, Mathieu, c'est un cinéaste que j'admire énormément, donc il y a de ça. Mais en même temps, moi je suis un cinéphile. Et c'est vrai que il y a des grands auteurs que j'aime, le néo-réalisme italien, Visconti, je sais pas moi, Prévert, Carnet, Truffaut, enfin des gens comme ça, en tout cas les 400 coups, c'est-à-dire des gens qui ont donné d'une certaine manière les lettres de noblesse au cinéma, et il y a cette envie de d'être dans la continuité de ces gens-là. Il y a cette envie de rendre hommage aussi au cinéma et de dire que on va voir un film de cinéma. Et pour moi, le cinéma, c'est en noir et blanc et c'est muet. Mais bon, mon film n'est pas muet, il est en noir et blanc. Mais tu sais, il s'est passé un truc marrant. C'était quand l'une des avant-premières, je me rappelle plus dans quelle ville, il y a une personne qui parle et tout. Donc les gens posent des questions. Et il y a un type qui dit, vraiment, j'ai trouvé super le film. Ça commence en noir et blanc et puis à un moment donné, ça bascule et on est en couleur et c'est magnifique de voir. Ah, il a vu de la couleur. Et lui, il a vu de la couleur en fait. Non mais c'est marrant, ça m'a fait la même chose. Et moi, franchement, ça veut dire, ça voulait dire. Ouais, c'est-à-dire que tout que j'ai réussi noir et blanc en fait. Et que. En fait, j'ai oublié que c'était du noir et blanc. C'est ça. Et parce que je pense que émotion, ce qui compte, c'est l'émotion. Et l'émotion, pour moi, elle est arc-en-ciel. L'émotion, il y a toujours des couleurs. Donc le noir et blanc, ça montre, ça souligne quelque chose, ça marque aussi hors du temps, c'est-à-dire qu'on est ni dans les années 90. Oui, c'est ça, j'ai demandé d'ailleurs le film partout. Le film, si on fait le pitch du film, ça se passe dans quelle année? C'est quelle année En réalité, on peut le placer. Ouais. Comme dans les années 90, comme aujourd'hui, mais de mon point de vue, parce que tu fais pas une référence particulière justement. Non, pas particulièrement. Après, tu vois, il y a un smartphone, il y a un truc, il y a des choses comme ça. Mais c'était aussi l'idée de le sortir du temps et de dire aussi qu'il y a des problématiques qui ont eu lieu à une certaine époque et malheureusement qui continuent, voire empirent d'une certaine manière. Mais il y avait aussi cette idée de dire que voilà, on peut. Tu sais, c'est comme cette idée de une certaine France traditionnelle d'une certaine époque et tu l'associes un peu au noir et blanc. Et c'était pour dire que cette France ne meurt jamais et que c'est à chaque fois elle est réinventée. Et sauf qu'aujourd'hui elle est vraiment arc-en-ciel. Il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des verts et c'est merveilleux. Et on est la France et on aime la France. Si mercredi ça vous fait cet effet justement, ça commence en noir et blanc et ça finira peut-être en couleur. Marron, dites-nous. Envoyez des messages avec le hashtag Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on passera à Wallen comme morceau? C'est toi qui décide. Écoute, j'aimerais bien repasser Trauma. Bien ou bien? Ah, Trauma. Trauma. Ouais. Trauma, produit par Bilal. Bilal, voilà. Morceau électro d'ailleurs. Morceau électro, Bilal, d'ailleurs. Ouais. Et grande dédicace évidemment à Bilal, Matteo Falcone. Et d'ailleurs une dédicace aux mamans seules aussi, parce que je fais allusion à ça dans ce titre-là. Et puis principalement à maman Angélique, ma belle-mère, une petite dédicace quand même. Spéciale dédicace à ma maman que j'aime. Voilà. Et bah bougez pas. Ouais. Non, vas-y, tu veux finir. Ouais, non, dont on parle dans le film aussi quand même. Ben, c'est un personnage important, Hippocampe. Hippocampe, ouais. On n'en dit pas plus, mais c'est un personnage important du film, mais surtout c'est une personne importante dans ma vie, c'est ma colonne vertébrale, ma maman que j'aime. C'est sûr. Voilà. Et ben, ne bougez pas dans un instant, c'est la suite et la fin ce soir de ce Planète Rap consacré au film Kala bénisse la France. Il sort mercredi le film et on essaie de récupérer Wallen en entier. Bougez pas. Comme toi, Abdal Malik a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Le film Kala bénisse la France arrive mercredi 10 décembre. Loupez pas, lundi, il y aura la bande-son aussi du film. Pour lundi, donner un avant-goût. Le retour de Wallen dans les bacs. Le retour de Wallen dans les bacs. Et un morceau qu'on avait promis juste avant la pub, qu'on va passer maintenant, c'est un morceau qui s'appelle Trauma. Trauma. Ouais. On balance, on y va. Allez, c'est parti. Bilal, Trauma. Yes, yes, yo. Maman est là. pour de faux. Une épée laser plantée dans le dos. Une vie de mère célibataire. Sa vie d'avant, elle se l'est mangée dans les dents. Et ça trime, ça se tue et ça sait plus comment tenir debout. Et ça trime, ça se tue. Ça s'appelle Trauma à l'instant. Trauma, et ça sera disponible avec lundi la bande son. Avec la bande son. Qu'on peut précommander dès maintenant, allez cliquer hein, si vous voulez. Allez-y sur iTunes, allez-y à fond. Être les premiers à l'avoir, allez-y. Quelque chose par contre qu'on peut pas cliquer, c'est le film. Ah, ça, le film, faut aller voir deux jours faut après. Aller voir. Deux jours après, le mercredi. Et puis sur grand écran, c'est vrai que ça prend quand même une autre ampleur. Donc, mais non, mais il y avait cette idée aussi, tu sais, de faire un truc qui, au niveau du son, au niveau de l'image, soit une vraie expérience aussi de cinéma. Donc c'est vrai que tu profites davantage évidemment quand tu vas le voir au cinéma et tout ça, le 5.1. Qu'Allah bénisse la France, le 5.1, c'est dès mercredi dans toutes les salles de France. Il reste encore un petit peu de temps, mais je voulais quand même qu'on évoque, comme c'est la dernière ce soir dans l'émission, qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire autour du film, Malik, ou toi Wallen, quelque chose que t'aurais aimé préciser, que ce soit au niveau, je sais pas, des comédiens, au niveau du tournage, de... de ce que voilà, de cette belle aventure, parce que c'est vrai que là il y a le film qui arrive mercredi, mais c'est quand même une aventure qui date d'il y a 10 ans, puisqu'il y avait le roman avant tout. Ouais, en fait c'est une aventure qui date d'il y a 38 ans, tu veux dire. Ou de 38 ans même, c'est vrai, étant ton âge. Voilà, au passage. Voilà, au passage, oui, bah oui. Et jusqu'à l'aboutissement maintenant ce film. Jusqu'à l'aboutissement. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire autour du film qui pourrait peut-être donner aussi envie aux gens d'y aller, et pourquoi il faut aller voir ce film? Pour plein de raisons. D'abord, si on doit parler purement artistiquement, c'est qu'on a affaire à des acteurs qui sont fabuleux. C'est-à-dire, ça part autant de Mark Zynga qui fait une prestation incroyable. Ah, lui, il est fou, hein. Et il est incroyable. À Sabrina Ouazani qui fait un truc. Mais qui est lumineuse, c'est quoi. C'est vrai. Lumineuse, tu vois, on parlait du noir et blanc, et pourtant, t'as l'impression qu'elle est en couleur tout le temps, en fait. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment. Et puis tous les jeunes acteurs, ce qu'ils amènent, qui sont des non-professionnels au départ, et comment ils donnent ça. Matteo Falcone, c'est incroyable ce qu'il amène. Mike. Voilà, tout le monde, quoi. Il y a un vrai, la Russie, il y a une vraie belle énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout aussi, toujours dans cette idée-là, c'est quand même la première fois qu'il y a un film qui est véritablement fait de l'intérieur, c'est-à-dire par les gens du quartier véritablement, et sur tous les plans. Donc ce film, en fait, c'est vraiment un film collectif. C'est-à-dire, il y a évidemment moi qui amène le truc et tout, mais c'est un vrai film de cité. Et quand je dis c'est un vrai film de cité, ça veut dire que pour la première fois, à tous les postes et aux postes clés, pas juste derrière la caméra en train de se faire filmer, t'as des gens de cité qui amènent quelque chose. Et je trouve ça assez beau, parce que souvent on dit qu'on n'est pas capable de s'unir, de faire des choses ensemble, etc. Et il y a plein de surprises. Il y a des gens du hip-hop, des gens qu'on connaît qui sont dedans. Ah, on dit pas. Et je dis pas. On dit pas. Je vais pas. Mais voilà, et il y a tout ça. Et pareil pour la musique. Moi, il y a le travail qu'a fait Wallen, Bilal, etc. Et Laurent Garnier. Il y a musicalement, il y a aussi quelque chose d'hyper riche et d'innovant qu'on a. De mon point de vue, jamais entendu, en tout cas comme ça. Et puis le fond. Ouais. Et tu vois, là, on fait allusion à la musique, au cinéma, au livre aussi, qui est au la livre. Première forme finalement de qu'Allah bénisse la France. Et tout ça, c'est de la culture. Moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je crois plus en la politique. Franchement, en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Et pour moi, l'avenir, voilà, c'est des artistes comme Malik, et il faut participer. On a l'habitude de parler de sa propre réussite. Comment réussir, comment y arriver. Moi, personnellement, je sais que les artistes que j'apprécie, des gens qui sont militants ou alors qui ont tout simplement du talent, je les soutiens, en fait. Voilà, c'est ça, c'est pousser la réussite des autres. Et voilà, pour l'instant, pour moi, la politique, c'est devenu du commerce électoral, et c'est tout. C'est ça, vrai, part que dans tous les sens. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils pensent plus à eux et leur carrière que aux gens, quoi. Et à la cité, parce que politique, le terme, c'est justement. Quand ils pensent déjà la politique au niveau conceptuel, c'est des partis. Donc les gens se rencontrent pas entre eux. C'est pas quelque chose qui peut fédérer, puisque voilà, il faut déjà choisir un parti. Alors que la culture, tu peux te retrouver dans une salle de cinéma avec des gens qui pensent pas du tout comme toi, et finalement qui se retrouvent dans quelque chose qui nous dépasse tous, finalement. Ouais, et puis il y a cette idée de dire que c'est vrai, on parle souvent de changement, on a envie de voir les choses différentes, et c'est vrai que quand il y a des gens, et c'est pas parce que moi je participe à ça ou je suis initiateur de ça, mais je pense que quand il y a des gens comme nous qui se mettent ensemble et sont en train de dire voilà, on peut par l'art, et notamment ici par le cinéma, changer les choses véritablement, concrètement. Il faut véritablement soutenir, parce que c'est pas juste mon film, c'est notre film. Et d'une certaine manière, nous, on a fait notre part du travail, et c'est le public qui doit soutenir. Les gens, ils doivent venir en masse pour montrer que nous, on veut cette France. On veut cette France de la différence, cette France de la diversité. On veut qui cette... existe d'ailleurs au quotidien. Qui existe au quotidien et qui est majoritaire, en fait. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve face à une espèce de majorité silencieuse qui acquiesce de loin. C'est maintenant le moment de montrer notre solidarité. Mais parce qu'elle n'a pas aussi accès, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple, même dans les médias d'ailleurs, à mettre des gens qui aiment bien taper, qui disent tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais là, on est au-delà. Et qui font du buzz, quoi. C'est vrai on est au-delà des médias. Il y a des médias. Regarde par exemple, là, on est à Skyrock, c'est un média. On est avec toi. Et si tu veux, c'est pas le peu de médias qui nous donnent cette possibilité de nous exprimer totalement dans notre culture. Il faut les soutenir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que de mon point de vue, le fait d'être à Skyrock. Et Skyrock, c'est la radio du rap, du hip-hop. Et ben, il faut soutenir. Autant ce film, c'est un film qui parle de nous, par nous, et qui amène le changement. Mais un changement dans véritablement dans ce qu'on vit au quotidien. Au quotidien, nous, on est bien ensemble. Regarde, par exemple, regarde ici, à Sky, on est à Sky, regarde les gens qui sont là. Ah oui, Momo, filme un peu pour les gens qui nous regardent sur Skyrock FM, sur l'appli. Filme un peu les gens qui sont dans ce studio. C'est vrai qu'il y a la diversité dans le studio. Et c'est dans ce sens-là où maintenant, c'est le moment de soutenir. Et de soutenir pas un peu, de soutenir en masse. Et je vous dis, en face, il y aura le Hobbit. Il faut qu'on batte le Hobbit. Non, mais je suis sérieux. C'est-à-dire qu'il y a le Hobbit, il sort le même jour. Et faisons la révolution, battons le Hobbit avec un film qui s'appelle Qu'Allah bénisse la France. Et hier, tu le disais, votez Malik. Hein. Ah bah oui. Donc votez, là, l'urne, c'est mercredi. Exactement. Le bulletin, c'est mercredi. Exactement. On va aller chercher le bulletin, le ticket de ciné mercredi. Exactement. Ma politique est artiste. Le changement, c'est mercredi. Exactement. Le changement, c'est mi-décembre. Tiens, d'ailleurs, dites-nous, est-ce que cette semaine, là, dans Planète Rap, d'ailleurs, peut-être même pas dans Planète Rap, si vous avez vu Malik un peu, je sais que tu vas faire pas mal de plateaux télé aussi. Ouais. Il y a France 2, JT, ça c'est bien, c'est-à-dire que ça bouge au moins, il y a des choses qui bougent et ça tombe mieux. Donc dites-nous si vous avez envie de voir ce film, oui ou non, envoyez un message juste oui ou non, essayez de développer si vous mettez non, pourquoi par exemple, ou alors oui aussi, hein, dites-nous pourquoi vous voulez voir ce film, envoyez un message au 41759 avec le hashtag Qu'Allah bénisse la France sur Skyrock ou juste le hashtag Skyrock. Dites-nous oui, non, j'ai envie de voir ce film, pourquoi, un petit mot, juste un petit mot. On va faire un petit sondage express pendant la diffusion de la bande-annonce qu'on met maintenant. C'est ça que vous verrez mercredi avec les images. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, ok. Il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Hey, oh, je parle comme je veux, ça je m'attrape, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là, on te voit tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. On se dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le tâche, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peur à rien. T'as besoin de Gérard? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. T'as choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la Laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe un peu à l'être rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de 10 piges, je vais prendre 10 piges, y'a plus de planète rap. Rappelle-toi le lycée, t'as fait un choix. On doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Oui ou non, est-ce que vous avez envie de voir le film? Alors, tiens, les messages qui arrivent, oui, je veux le voir, même si je suis pas du quartier, car ça réunit les gens. Je crois qu'il a tout compris, lui, qui nous envoie ce message. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est pas qu'un film de. C'est important de le dire aussi, hein, parce que. Ouais. On a parlé du quartier. Alors, oui, évidemment, c'est ta vie, donc ça se passe dans un quartier, au Neuf, en l'occurrence. Mais voilà, je pense que t'es dans un PAV, t'es dans une petite bourgade de France. C'est pareil, c'est l'histoire. Je pense que ça peut toucher, parce que voilà, c'est une histoire. C'est une histoire de vie, simplement. Et une histoire de vie, je veux dire, on est tous vivants, donc ça nous parle tous. Et puis, il y a le fait aussi que finalement, c'est aussi une histoire d'amour. C'est aussi le même si c'est pas véritablement dans son entièreté, mais c'est aussi l'histoire de Wallen et moi. Mmh. Et donc c'est aussi l'histoire de comment on va au bout de quelque chose ensemble. Donc voilà, c'est quelque de mon point de vue, c'est quelque chose qui parle à tout le monde à partir du moment où on est dans une démarche humaine et que voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les messages qui arrivent, oui, il y a beaucoup de oui pour l'instant, j'ai vu un non, hein, faut quand même être honnête, il y a eu un non qui est arrivé, je sais pas pourquoi, la marque est non. Tout simplement. Oui, non, sans explication. Pas touché par le film, ce qu'on a dit, le droit. Hein. Non, oui, car vous prenez le rassemblement là où d'autres cherchent à diviser, c'est le cas du 57 qui envoie ça. Moi aussi je veux le voir mais je suis pas sûr, il y a ce qui sort en Belgique, ça je sais pas. Il va sortir en Belgique, non. Il va sortir en Belgique, ouais, non, parce que Allah sur le titre. Ouais. Ah. Mais quelqu'un mais ça... qui dit parce que c'est, il y a marqué qu'Allah bénisse la France. Mais Allah, prend comme... ça veut dire Dieu. Ça aurait pu dire Dieu bénisse la France ou ouais, Adonai bénisse la France. C'est pareil. Il se trouve que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, les amalgames avec l'islam, c'est important. Ouais, c'est de ça qui est. Ouais. Parce que c'est les amalgames qui font ça. Je veux dire, l'islam, encore une fois, c'est une belle religion et il faut pas qu'on mélange. et qu'elle soit prise en otage. Je pense que c'est plus qu'un amalgame. Je pense que c'est de l'ignorance, en fait, tout simplement. Je suis d'accord. Tu vois, j'avais fait allusion la dernière fois au débat sur l'identité nationale il y a quelques temps. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup attristé, en fait, tout ce qui s'est dit autour. Et à un moment donné, il y avait même des politiques qui disaient oui, mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays de culture judéo-chrétienne. Un petit peu comme si on nous rejetait, quoi. Comme si on nous disait oui, bon, vous êtes français, mais attention, vous n'avez pas les mêmes racines. Ça, pour moi, c'est le signe d'ignorance, parce que il suffit de connaître un tout petit peu l'islam pour comprendre qu'en fait nos racines à nous aussi, elles sont judéo-chrétiennes. Mais bien sûr. On reconnaît les prophètes, on reconnaît Jésus, on reconnaît Moïse, enfin tous les prophètes à partir de d'Abraham jusqu'au non, à partir d'Adam. Et tu vois, par exemple, Adam, le message, exactement. Je crois qu'il prolonge en disant non, laissez l'islam tranquille. Mais c'est justement, je trouve que c'est une belle reconnaissance qu'elle a bénisse la France. Je pense que à partir du moment où on voit le film, on comprend réellement les choses. Parce qu'en fait, justement, ce film, c'est comme tous les films finalement, enfin je pense ou j'espère, les films parlent de la vie. Et la vie est complexe. Et dans la vie, il y a plusieurs thématiques. Il y a ce qui concerne la personne qu'on aime, ce qui concerne notre moyen de subsistance, ce qui concerne, je sais pas, notre rapport avec nos amis, avec nos parents, avec et tout ça. Il y a cette complexité-là. C'est important de comprendre que ce film parle de la vie. Donc il y a toutes ces thématiques-là. Mais appeler qu'Allah bénisse la France, ça veut aussi dire que je suis musulman et que j'aime mon pays, la France, et que la France me permet d'être musulman. Et qu'on prie pour elle aussi. Et qu'on prie pour elle. Elle me permet d'être musulman, comme pour un autre de croire en Dieu ou de pas croire en Dieu, pour un autre d'être juif ou d'être chrétien, enfin qu'importe. Et ça, c'est important parce que fondamentalement, la France permet ça. Donc voilà. Et j'ai envie de dire dans cette période de Noël qui arrive. Eh ben, c'est une sorte, c'est notre cadeau. Ouais, le vivre ensemble. Et puis, je trouve qu'en ce moment, c'est justement un très bon, même s'il existait depuis un moment, ce titre, hein, puisqu'on l'a dit. Bien sûr. En 2004, il y avait le bouquin que t'avais fait qui s'appelait Jack qu'Allah bénisse la France, mais je trouve que particulièrement en ce moment, ça, c'est bien. Il faut aimer un peu aussi, la provoque, il faut aussi aimer ça, même si le film, c'est avant tout une histoire d'amour, d'humanité, et c'est pas un film provoque. Évidemment. Ou quoi que ce soit. Bon, continuez à voter oui ou non. C'est un film de cinéma. Allez-y, oui ou non. Si vous avez envie de voir le film, si on vous a donné envie de voir le film ou pas, 41-759. Est-ce que Wallen, tu es prête? Est-ce que tu as retrouvé ta voix? Écoute, Claire, magnifique. On verra au moment. Au portail. Et ben c'est le moment. Et ben, d'accord. Bah oui, c'est l'heure du live maintenant. Ça, ok. Bah écoute, Iso est là, à la gratte. On va essayer. Faudra être indulgent, quoi. On est parti? Allez. Yes, et alors attends, faut quand même dire un truc. C'est pas extrait de la bande son? Ah non, voilà. Attends, alors, c'est quand même important ce que tu vas chanter maintenant. On parlait de cadeaux justement dans la période de Noël. Elle voulait faire un morceau spécialement pour, pour tous les gens qui nous suivent, qui sont là depuis, les gens qui lâchent pas depuis des années, qui nous suivent, qui sont là, on voulait les remercier. Un titre inédit. Juste pour comme ce ça. Soir. Un morceau éphémère. Un morceau éphémère. Voilà. Et bah allons-y maintenant, morceau qui s'appelle. Juste pour ajouter. C'est pas ça? C'est ici, hein? Non, tu t'entends? Ah merde, pardon, j'ai niqué Iso. Ah pardon, oh là là. Ah oui, c'est celui-là. Voilà, c'est là. C'est bon? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, on peut y aller. Donc, il a un nom quand même, le morceau ou pas? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi? Bien sûr. Oui, il s'appelle bien sûr. Il s'appelle Je ne t'attendais plus. En live, maintenant, en live. Titre inédit de Wallen avec Iso à la gratte. Écoutez. J'ai tous mes rêves en cours de route, comme pour me délester, mais plus un cœur se vide, plus il est lourd à porter, fini l'amour présumé où l'autre se change en ennemi juré, fini ces drôles de guerres qu'on livre, qu'on soi-même. C'est le grand jour, celui mes lèvres glossées, je t'ai cherché si loin que je me suis. La reine Wawa avec Izo Diop. Merci. À la guitare. Yes, yes, yo. Merci à vous. Que d'émotions. Bah, beaucoup d'émotions. Ça fait des années que j'ai pas chanté en live. Sauf. C'est vrai. Bravo. Bravo. Bah écoute. Merci. On t'attend encore avec un nouvel album après celui-ci, après la bande son. Bah écoute, peut-être. Ouais. C'est à ton rythme. Mais oui, mais en tout cas, il y a cet album déjà dès lundi. Il y a l'album dès lundi. Qui est la musique inspirée du film. Et le film. Merci beaucoup, Izo. Merci. Ouais. Merci. On va inviter aussi. Izo, le kicker. Izo Diop. Le kicker à la gratte. Yes. Merci en tout cas, moi, Malik, je voulais te remercier aussi, voilà, à titre personnel, parce que c'est vrai que je suis lié aussi quelque part à ce film. Il y a une expérience particulière. Carrément. Et tu m'as offert une belle expérience ici dans ce studio, même si je joue quand même mon rôle. Ouais, mais quand même, il y a Hollywood qui me traque. Ouais, je sais que c'est parti. C'est bon. Non, mais en dehors de ça, je trouve que voilà, le film est vraiment, c'est un super moment de vie. On passe du rire aux larmes. Il y a des moments qu'on peut revivre, même si on vient pas forcément d'un quartier, c'est ce que je disais, voilà, parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a aussi des histoires en parallèle. Ouais. Donc, l'amitié aussi. L'amitié, il y a un truc très fort avec l'amitié, qui est très présent dans le film. Ouais. Et voilà, on passe un super moment, c'est une heure et demie, je crois, le film. Ouais, je sais même pas la durée, tellement ça passe vite, ouais. C'est une heure et demie. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, ouvrez-les quand vous êtes au ciné. Mais vous allez passer un super moment. Le film s'appelle Kala bénisse la France. Allez-y, il sort mercredi. Allez-y. Et on compte sur vous. Vraiment, on compte sur vous. Et je voulais aussi faire une spéciale dédicace à mon frère Sidi Badr, parce que vraiment c'est un soutien essentiel. Mmh. Pareil à Bilal également, Matteo Falcon, tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, aussi je voulais une spéciale dédicace à Ali, mon frère Ali aussi également. Et voilà, et tous ceux qui nous soutiennent et qui sont avec nous. Et voilà, et je voulais dire que ce film, c'est notre film à tous. Et souvent des artistes, il y a des moments dans l'histoire d'un pays où il y a des choses artistiques qui font la bascule, en fait. Mmh. C'est-à-dire un livre c'est qui vrai. Change la mentalité, un film qui change la mentalité, un disque qui change la mentalité. Et je pense que là, on a fait quelque chose qui est merveilleux dans le raison, cinéma, ouais. Et ça peut vraiment bouleverser, mais encore une fois, voilà, nous on a fait notre part du travail et maintenant c'est à vous autres d'y aller et voilà. Et bah loupez pas 10 décembre, merci à vous deux et merci à tous ceux qui sont passés, merci à Izo aussi, ouais, et à tous ceux qui Izo, sont passés cette semaine, ouais. Marc aussi, les comédiens qui sont juste incroyables, Marc et... Ouais, incroyable, vraiment. Sabrina Wazani, et puis tous les petits gars tout du Nord. Théo Falcon, tout le monde, ouais, vraiment. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée 2015 de Nawel Madani. Inès, du côté de Marseille, ça va bien Inès? Salut. Waouh, tu es en équipe, t'es avec qui Inès? Oui. T'es avec qui? Avec toute la famille, toute c'est l'anniversaire à mon frère, en direct de Marseille. Oh, et bah, Marseille, loupez pas, spécial dédicace loupez à, Marseille. À Marseille. La sortie de Cala bénisse la France mercredi, hein, loupez pas, Inès. Eh oui, on va pas oublier, on va y aller. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah bah. Dès que tu veux qu'il stop, Inès. Ah, Marseille, ça a du on coffre à Marseille. Ah, on est là. Inès, et ben voilà, tu vas aller voir Nawel Madani à la rentrée, enfin à la rentrée en 2015 du côté de Marseille. Elle part en grosse tournée avec Skyrock. Et tu y seras à ta deux places. Skyrock en place. Bisous Inès. Ouais, bisous à toute la famille derrière. Dédicace à mon frère, son anniversaire, à l'ESMA, bien sûr, à la belle-sœur, à tout le monde. Et ben bon anniversaire au frangin, on te fait un bisou Inès. Merci. À salut, bientôt Inès. Allez. Au revoir Inès, à bientôt. Eh ben merci en tout cas une fois de plus. Qu'Allah bénisse la France. Loupez pas le rendez-vous. Oui, c'est lundi d'abord dans les bacs avec la bande son. La bande son lundi dans les bacs. Parce que là on a passé quelques morceaux, mais il y en a plein hein, de ouais, morceaux. Ouais ouais, il y a des beaux morceaux. Donc Wallen présente Qu'Allah bénisse la France, musique inspirée du film. Donc le lundi 8. Allez-y. Et le film qui arrive et le mercredi. Le film lui-même le mercredi 10 face au Hobbit. On doit battre le Hobbit. Voilà. Mission battre le Hobbit. Battre le Hobbit. C'est vrai. Oui, il faut battre. Beau, ça serait mortel. Ah ouais. C'est presque David contre Goliath. Ouais, c'est un... Non, mais sérieux, David c'est vrai a gagné que, quand même. C'est vrai qu'il faut expliquer aussi, c'est que le Hobbit doit sortir sur un nombre de salles par rapport à Qu'Allah bénisse la France. Mais en même temps, ce serait bien. Hein, moi, je... Non, mais tu sais qui c'est. Un nombre de. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit au miracle. Et tu as raison d'y croire. Et donc voilà, donc le miracle est possible et faisons en sorte que le miracle advienne. Et bah, le miracle dès lundi pour la bande son et mercredi pour, le film. Merci vraiment, sincèrement. Merci à toi, Fred. Hein, c'est toujours vraiment un plaisir de te voir et de passer avec toi. On fêtera prochainement, on espère, le million du film, le million d'entrées. On croise les doigts. Inch'Allah. On va retrouver Difool. Et voilà, est-ce que Difool. Ah bah voilà, comme on dit. Oui. Merci Abdelmalik pour cette semaine. Wallen, gros bisous. Merci à toi également. Merci Difool. Et merci Fredo pour cette semaine exceptionnelle et exceptionnelle. À la semaine prochaine, c'est un Marseillais Jules qui débarque. Eh ben Jules, à pas louper sur Skyrock, soyez là. 20 et 21, comme tous les soirs, Planète Rap sur Skyrock. Nous, grosse soirée ce soir, une mission spéciale avec Roger. Si vous connaissez pas Roger, on va vous le présenter dans un instant. Ah, c'est un bon Roger. Ah, c'est un bon Roger. Ah, je kiffe. Avec toute l'équipe qui arrive, avec Pamela, avec Mavis. Vous verrez qui est Mavis dans un instant. C'est qui est Mavis, Fredo? Ben oui, bien sûr, je sais qui est Mavis. Évidemment, il le connaît. J'ai hâte de l'écouter. Et ben, de nouveau. Ah ben écoute, à découvrir tout de suite sur Skyrock. Merci à vous pour le Planète Rap. Merci. Et là, c'est parti pour la Radio Libre, 20h51. On arrive dans une coup minute. Coup d'envoi, c'est parti. Ouais. Et à tout à l'heure, Fredo, pour la nocturne. La nocturne, bien sûr. Et ouais, à minuit, avec l'émission. Bonne année. Voilà. Bonne année. Ben oui.